patient, a little more action. All this aggravation, satisfaction in me. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la Radar Sport, on est sur Arc-en-Ciel bien sûr, il est 20h34, très heureux de vous retrouver après deux semaines sans émission avec l'Open d'Orléans, pas d'émission pendant deux semaines. On va revenir bien sûr sur cet Open d'Orléans qui s'est terminé dimanche dernier avec une belle victoire, on en parlera tout à l'heure. Donc ce sera bien sûr pour la partie tennis. Tennis aussi, on parlera d'Indian Wells. C'est le Masters 1000 Indian Wells donc, qui se déroule habituellement en mars, mais qui se déroule cette année en octobre avec le troisième tour des matchs en direct. D'ailleurs, on en parlera dans un instant. Le reste du programme, bien sûr, on aura Sylvain avec nous dans quelques instants, d'ici 5 minutes, pour un débrief handball, comme régulièrement, on le fait. Donc ça dans 5 minutes. Du foot, bien sûr, on va revenir sur la victoire de l'équipe de France hier, qui a remporté la Ligue des Nations, c'était la deuxième édition, en battant l'Espagne 2-1, et après avoir battu la Belgique en demi-finale, c'était un peu plus tôt dans la semaine, 3-2. Donc là, l'équipe de France qui remporte cette Ligue des Nations, édition 2020-2021. La Ligue 1, bien sûr, aussi au programme de ce week-end, qui va reprendre ses droits, avec un choc Lyon-Monaco notamment. On en reparlera tout à l'heure. La Ligue 2 aussi également qui va reprendre, bien sûr. Et le National qui, lui, ne s'est pas arrêté. Et malheureusement, ça s'est pas bien passé encore pour l'USO. Battu à Cholet, 3-1. On y reviendra aussi, bien sûr, tout à l'heure. Les Coupes d'Europe, elles, qui reprendront la semaine suivante. Donc, pour l'instant, encore une petite semaine de repos avant de rattaquer la Ligue des Champions, bien sûr. Donc côté foot, le programme de ce soir. On aura donc, je le disais, du tennis tout à l'heure. Un point rugby, bien sûr, top 14. Le basket, la reprise, ça y est, du championnat. Alors, la NBA qui va reprendre à la fin du mois, mais en ce qui concerne la première division de basket, eh bien, c'est reparti. Donc, avec Orléans qui a remporté sa troisième journée. Et on verra un petit peu sur les précédents matchs où il y a également déjà eu une défaite et pour l'instant un match reporté. Et cette victoire donc c'était ce week-end face à Cholet. On y reviendra tout à l'heure, donc trois matchs déjà joués pour l'OLB. Et puis on le disait, la NBA, elle reprendra un petit peu plus tard dans la saison, ce sera autour du 20 octobre, donc d'ici une dizaine de jours déjà. Donc basket, donc tout à l'heure, handball, je le disais, avec Sylvain dans quelques instants, et puis un point Formule 1 où ça a encore bougé au niveau du championnat du monde, donc des pilotes, où eh bien le leader a changé, ça y est, puisque on va y revenir, Lewis Hamilton n'a pas pu faire mieux qu'une cinquième place. Et c'est donc pour le moment Marc Verstappen qui a pris la tête. Ça se joue encore à peu de choses. On en parle tout à l'heure, bien sûr. Voilà pour le programme de ce soir. Les directs, bien sûr, il y en aura pas mal ce soir. Du foot, ce sera les éliminatoires de la Coupe du Monde, bien sûr, qui se poursuivent. Si les Bleus n'ont pas participé ce mois-ci avec la Ligue des Nations, bien les autres nations continuent avec notamment des matchs du groupe E, à Biélorussie, République Tchèque, Estonie, Pays de Galles à 20h45. À 20h45, dans l'autre groupe, c'est le G, la Norvège, notamment les Pays-Bas joueront également, la Turquie. Et puis dans le groupe H, la Slovénie et la Russie, et puis la Croatie face à Slovaquie. Et alors que tout à l'heure, Chypre et Malte se sont quittés sur un score nul de 2 partout. Et puis l'Allemagne sera aussi opposée à la Macédoine du Nord. Ce sera dans 5 minutes aussi, dans le groupe J. On aura également ce groupe Islande, Liechtenstein ou encore Roumanie, Arménie. Et puis à 20h45 aussi, un match de national. C'est la 10e journée entre Bourg-en-Bresse, qui est le 2e du classement, qui est juste derrière Annecy pour le moment, qui pourrait en cas de victoire reprendre la première place d'ailleurs, qui affronte Sedan 6e, c'est à suivre sur Canal Plus Sport, et ça ce sera donc dans 5 minutes également cette rencontre. Et puis du tennis donc aussi au programme ce soir, donc on le disait, Indian Wells c'est donc en ce moment les matchs qui ont lieu en soirée et dans la nuit bien sûr, avec en direct Diego Schwartzman l'Argentin opposé à Dan Evans le Britannique, 4-2 c'est donc le score en faveur de l'Argentin dans la première manche, break en poche, il va servir pour rester devant et remporter un cinquième jeu. Et puis l'autre match, il oppose Lloyd Harris le Sud-Africain à Casper Ruud le Norvégien, 3-2, pas de break. Un peu plus tard, Dimitrov Opelka à 22h. Nous aurons Chapovalov, Karatsev. Gros combat, ce sera à minuit. Tiafo face à Urkat, 3h. Bautista Agut face à Norrie, 3h également. Puis en milieu de nuit, Rublev ou encore Medvedev seront sur les cours. Chez les femmes, en direct, c'est Angelique Kerber, l'Allemande, pardon, qui est opposée à la Russe Kazatkina. Le break en poche pour l'Allemande. Et puis un autre match qui démarrera un peu plus tard. Et puis il y aura toute la nuit aussi des rencontres bien sûr chez les filles, notamment la numéro tête de série numéro 1 Karina Pliskova qui sera aussi sur les cours dans la soirée. Voilà les directs donc de ce soir. On va marquer une petite pause. On rappelle que pour nous écouter, ça se passe sur le 96.2 FM ou bien sûr sur le site radio-arc-en-ciel.fr pour suivre le direct. Et puis pour nous joindre, bah, deux solutions, Facebook Red Arc du Sport, ou bien sûr sur ou d'ailleurs proposer vos titres hein, pour ce soir comme d'habitude sur le Facebook, et puis sinon le standard 02 38 434 800 02 38 434 800. Avec nous aussi dans un instant d'ailleurs sur le standard, juste après une petite pause, et on revient donc pour démarrer ce programme avec donc Sylvain pour le débrief handball. Donc plein de choses à dire hein, avec bien sûr Gien qui fait une grosse paire ce week-end, on en parle dans un instant. Et des nouvelles aussi de Saran et de Fleury dans le Loiret également. Eh bien, une pause donc, je le disais, et on revient juste après pour débriefer tout ça. Ça démarre avec tout de suite, eh bien, ce titre donc d'Elton John et Dua Lipa, c'est le remix bien sûr, Cold Earth. On revient juste après ce premier titre pour notre brief handball. À tout de suite sur Arc-en-Ciel 20h40. C'était Elton John et Dua Lipa pour ce titre, Cold Hearts remix bien sûr, d'Elton John. On revient donc bien sûr avec les directs qui démarrent dans une minute maintenant, début des directs un petit peu partout, hein, je le disais, la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde bien sûr 2022. On aura d'ailleurs tout à l'heure aussi le débrief des matchs qui ont lieu, hein, un petit peu tout le week-end, hein, des grandes nations qui ont joué. On fera aussi un point sur tout ça, sur les leaders. Maintenant, 2-3 journées de la fin, puisqu'il va rester encore celle-ci, et puis 2 journées en novembre. Donc on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, bien sûr. Mais tout de suite, si tout se passe bien, c'est Sylvain qui est avec nous. Salut Sylvain. Salut, comment tu vas ? Bien, et toi, depuis 2-3 semaines maintenant ? Ouais, depuis 3 semaines, si je me souviens. Ça doit être ça. Il s'est passé plein de choses, donc on va faire le point ce soir sur tout ça. Déjà, eh bien, ce week-end, toi, tu étais du déplacement comme chaque week-end de déplacement de Gien, donc à Cesson-Rennes. Ouais, à Cesson-Rennes. C'est ça. Contre l'équipe réserve de Cesson. Ça s'est bien passé. Très très bien passé. Comme depuis le début de la saison, d'ailleurs. C'est vrai que depuis qu'on s'est pas vu, il y a eu des victoires importantes. Bah, il y a eu 4 matchs et sur les 4 matchs, 3 victoires. Voilà. Donc Gien est à la surprise générale, Gien est co-leader de sa poule de National B. C'est ça, oui. Donc c'était pas attendu, mais tant mieux. C'était pas attendu du tout et franchement c'est une très belle surprise. Donc nous on s'était arrêté. Alors on avait la victoire. On s'était arrêté après la victoire à Nantes. Voilà, c'était la deuxième journée. Ouais. Ouais, donc déjà à l'extérieur en fait. Ah ouais, donc déjà ça faisait 2 succès en 2 matchs. Après il y a eu un match à domicile contre Rosé qui a été raté, complètement raté. Je pense dû à un petit excès de confiance, il faut dire les choses. Ouais. Oui, c'est vrai, près de victoires comme ça peut arriver. Ouais. Et puis ensuite il y a eu une petite trêve d'une semaine. C'est ça, il n'y a pas eu de match le week-end dernier. Ouais. Parce que je crois qu'il y avait Il y avait la Coupe de France. Ouais, c'est ça. Enfin, il me semble. Hein. C'est ça. Je suis pas tout à fait sûr, mais il y avait une trêve. Et du coup, voilà, donc remobilisation générale et puis une grosse perf à Cesson samedi soir. Surtout comme à Nantes, une très grosse deuxième mi-temps, quoi, qui a fait la différence. Donc ouais, donc c'est ça, donc le score, tac, je l'ai là, le match, c'est 28-25, 3 plus 3, ouais. Donc à la fin du match. Ouais, 28-25, alors qu'ils étaient à moins 1 à la mi-temps, et qu'ils étaient assez globalement dominés en première mi-temps. Mais de la même manière qu'ils ont raté la première mi-temps à Nantes et qu'ils sont revenus très fort, physiquement, ils sont assez costauds cette année. Ouais. Et ils finissent vraiment très bien. Ils finissent bien les matchs, ouais. Ouais. C'est vrai que c'est une qualité aussi, ça, de bien finir. Des fois on peut faire une très bonne première puis s'écrouler, mais là c'est plutôt l'inverse. C'est un peu ce qu'a fait Cesson d'ailleurs. Ouais. C'était l'inverse, ils ont fait une très bonne première et ils sont un peu écroulés en deuxième. Mais ouais, non, Gien, c'était une très très belle équipe et beaucoup de qualité de solidarité, de courage. Et franchement, c'est très très beau à voir. Quoi. C'est une très très belle surprise de les voir en haut du classement alors que l'on promettait l'équipe à la relégation, hein, faut dire ce qu'il y a. Ouais. Et après, le championnat est très long. C'est ça, mais c'est des points qui sont pris déjà très tôt, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, pour la confiance, c'est énorme. Ouais, c'est vrai. C'est énorme. Voilà. Donc là, il y a une première place avec Rosé, justement. Ouais, bah, Rosé qui est pour moi la meilleure équipe que j'ai vue jusqu'ici. Ouais. Pareil, qui n'est pas un gros budget non plus, mais des gars solidaires qui jouent apparemment depuis longtemps ensemble. Pour eux. Et ouais, très belle équipe, hein. Très belle équipe de Rosé qui mérite largement d'être en tête comme nous. Il y a ça, il y a Lanester aussi qui est co-leader. Ouais. Bah, Lanester qui est toujours en haut de tableau, c'est une équipe qui est habituée. Qui est habituée. Et puis c'est Granville ensuite qui est juste derrière. Ouais. Enfin, autre surprise. Autre surprise, Granville qui n'était pas du tout programmé entre guillemets pour jouer le haut de tableau. Et voilà. Et c'est ce qu'on avait dit, hein, les équipes n'ont pas joué depuis un an et demi, deux ans. Et il y a beaucoup de surprises. Bah oui, c'est son Rennes 8e, Nantes est 9e. Bah Nantes, la réserve de Nantes à cette place-là, c'est pas tout à fait normal quand même. Ah oui. Par exemple. Ouais, c'est. Villiers qui est 7e, qu'on a dû avoir aussi plus haut. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, tant mieux. Tant mieux. Ça se passe comme ça. Le prochain rendez-vous, donc, c'est samedi, comme encore une fois. Ouais. Là, c'est de nouveau à domicile, donc face à Mainvilliers, Chartres. Ouais, alors là, méfiance, hein, parce que c'est le piège typique. Donc, une équipe de bas de tableau. Ouais, qui a gagné un seul match, ouais. Mais qui a gagné un seul match, mais bon, ça veut rien dire, quoi. Il va falloir jouer très sérieusement. Puis, on verra ça samedi soir à Curie, à 20h30 à Curie, pour ceux qui veulent venir voir le match. Ouais, tout à fait. Ouais, le rendez-vous est le même, comme d'habitude, le même horaire, la même salle, et donc pour pourquoi pas avoir une nouvelle victoire. Pour l'instant, c'est vrai que c'est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Oui. Mais ouais, bon. Tout à fait. Ouais. Pour, voilà, on va voir ce que ça va donner samedi. Donc voilà. Donc y a, au niveau de l'effectif, il n'y a pas de blessés à signaler. Si, on a quelques blessés. On avait, on est allé à Rennes sans Jean-Baptiste Poiseau, qui est une des pièces maîtresses de l'équipe, qui était légèrement blessé à l'épaule, donc par prudence, il n'a pas joué. D'accord. On a Razvan Letou, qui est toujours blessé à l'épaule. On a Grégory Tessier, notre deuxième gardien, qui était blessé aussi. Mais bon, il y a un groupe qui est en train de se former, des petits jeunes qui commencent à... Quand on fait appel à eux, des jeunes qui commencent à tenir le choc. Oui, voilà. Qui s'intègrent petit à petit, oui. Oui, qui s'intègrent petit à petit, donc finalement... Voilà, ça tient malgré les absences. Ouais. Bon, bah, très bien, on va. Pourvu que ça dure. Ouais, pourvu que ça dure, exactement. Donc, après, il faut quand même rappeler que l'objectif du club, c'est le maintien. Hein, oui. Il faut pas s'enflammer non plus, mais voilà, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est pris, ça sera plus à prendre. Bah, c'est ça. Dire, mais... Si ça peut se maintenir très vite, tant mieux, oui. Ouais, exactement. Donc on va suivre ça la suite. Donc ensuite, on le disait, il y a ce jeune à domicile, et pour le prochain déplacement, ce sera à Pouzogues. Pouzogues, ouais, en Vendée. C'est ça. Qui est aussi mal classé finalement. Ouais, c'est aussi mal classé, ouais. Là, on joue les deux, presque le qui ont gagné qu'un match, mais c'est moins bon. Alors, sur le papier. Compte tenu des équipes qu'on a déjà jouées et de ce qu'on doit jouer là sur les deux prochains matchs, si tu lis le classement, tu te dis il y a de quoi faire une très très belle opération. C'est vrai. Mais la vérité, ça sera sur le terrain. C'est ça. Oui, c'est toujours ça, de toute façon, la vérité. On est d'accord. Et on voit qu'il y a pour l'instant, il y a une équipe qui a très mal démarré. C'est Girondins de Bordeaux. Ouais, Girondins de Bordeaux, ouais, 4 matchs, 4 défaites. Ouais. Bah, pareil, c'est un peu surprenant aussi. Mais ouais, ils ont beaucoup de mal. Ça a mal démarré, ouais, mais bon. C'est un démarrage. Alors, c'est vrai qu'on c'est marrant parce qu'on voit que Gien a une différence de but négative. Oui, bah parce que Gien a perdu un seul match, mais il l'a perdu par 10 buts d'écart. Mais de 10 buts, ouais. Et c'est vrai que quand tu. Rezé et Lannister qui ont plus 16, plus 14, et Gien à moins 4. Et t'as la même différence de but que c'est son Rennes qui est à moins 4, mais qui a gagné que 2 matchs. C'est ça. Mais bon, comme disait Birou, je crois, il faut. En foot, c'est comme en foot, hein, il vaut mieux perdre une fois 5-0 que. Oui, que. 5-0. Et on est d'accord, ouais. Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Et après, si on se projette un tout petit peu plus loin, on aura un choc à domicile, ça sera face à Lannister. Dans un mois, hein, ce sera le 13 novembre, il y a encore le temps de voir venir. Parce qu'il va y avoir une grosse trêve, en fait, c'est ça, entre Pouzeau, j'ai le 23. Et Lannister, je crois qu'il n'y a pas de match pendant 2 semaines. C'est ça. Il y a 2 week-ends blancs puisque ça reprend le 13. Ouais. Alors effectivement, Lannester, gros choc. Et c'est pour ça que ça serait une bonne idée de continuer à prendre des points avant de recevoir Lannester. Qui est pour moi l'équipe la plus solide de la poule, je pense. C'est bien, c'est que ça va arriver après une trêve, donc il y aura aussi le temps de se reposer et de préparer ce match. Je crois qu'il doit peut-être y avoir l'équipe de France ou. Peut-être aussi parce que c'est les vacances, tout simplement. C'est vrai. Oui, c'est peut-être ça aussi, ouais. Tout à fait. Mais ça doit jouer par contre en première division. Oui, au-dessus. Ouais, en première division. Ouais, je pense que ça joue. Chez les pros, ça joue. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que souvent en amateur comme ça, enfin en semi-pro, en amateur, on s'arrête un petit peu pendant les vacances. Donc on verra ça. Donc voilà, 2 matchs avant la trêve, du coup, à domicile ce week-end pour la réception donc de Mainvilliers, Chartres, et puis ensuite déplacement du côté de Pouzauge pour finir avant les vacances. Donc c'est vrai que tu disais deux équipes mal classées, ce serait l'idéal de prendre tous les points, quoi. C'est ça, de prendre deux victoires, ça c'est. Là, franchement, si tu prends deux victoires. Tu te places bien, oui. Tu te places très très bien, et en plus, t'as fait quand même une grande partie du chemin, quoi. C'est vrai. Mais bon, il faut pas anticiper. Non, c'est sûr. C'est sûr. C'est ce qu'ils ont voulu faire contre Rosé, et puis tu vois, ça s'est terminé. Ça a fait mal, oui. Il faut respecter tout le monde. Nous, quand on était mal classé, on n'était pas forcément facile à jouer non plus. Chacun défend sa peau et le match il n'est pas joué, quoi. Il n'est jamais joué. Il n'est jamais joué d'avance, c'est sûr. Donc samedi, rendez-vous, donc on le disait, c'est le Curie à Gien pour prochaine rencontre à domicile. Petit mot de nos autres équipes du Loiret. On va commencer par les filles de Fleury, si tu veux. Bien sûr, allons-y. C'est le plus douloureux, entre guillemets. Ça va pas très fort. Ça va pas fort du tout, non, Fleury. Qui a pas gagné, simplement. Ah, c'est ça, 4 matchs, 4 défaites. Alors la dernière, elle est plutôt logique, elles ont perdu à Brest. Oui. C'est rien dans le jeu. Faut s'en douter, oui. C'est plutôt avant que le problème se situe, les 3 premiers matchs, 3 défaites et une attaque. Alors j'ai pas tous les scores en tête, mais je crois qu'il y a un match où elles ont marqué 19 buts. Bah oui, c'était face à Toulon. Ouais. C'est ça. L'autre, elles ont marqué 21 contre le Paris 92. Les premiers matchs, bon, il y a eu 30 buts, mais c'est vrai que les deux autres rencontres, c'est faible, ouais, comme tu le disais. Ouais, c'est assez inquiétant. Oui. Oui, c'est inquiétant, là, de pas avoir gagné encore. Il va falloir réagir vite. Bon, il n'y a rien à la montre, puisque les autres sont pas très très loin devant, mais quand même. Ouais, mais ce qui est inquiétant, c'est que, voilà, sur les matchs qu'elles ont joués, il n'y a rien à dire, quoi. Tu vois, ça se joue pas c'est logique, à la dernière seconde. Oui. Voilà, le match est assez net, quand même, quoi. Il y a 26-21, il y a 19, je sais plus combien. 19 à... Je vais te le dire tout de suite. À 26, ouais, c'est pareil, il y a 7 buts d'écart, c'est énorme. Donc, ouais, c'est... On savait que ça serait difficile, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Ouais, non. Mais là, c'est inquiétant, donc il va falloir réagir très vite. Non, je sais pas, le prochain match, tu peux nous dire. C'est face à réception de Dijon. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas de match cette semaine, ce sera qu'à la semaine prochaine. Réception de Dijon le mercredi 20. D'accord. Dijon qui, pour information, est 9e avec une seule victoire. Donc c'est peut-être la rencontre idéale pour se lancer. Ouais, victoire impérative. Victoire déjà impérative, ouais, pour pas s'éloigner. Pour les Panthères, donc qui pour l'instant sont dernières. Et puis donc en tête, bah logique aussi, Metz, Paris 92 pour 2 PH, Brest avec 4 victoires et. Ah non, Metz qui presque donc à 10 points, qui a perdu un match. Mais sinon, Metz, Paris 92 et Bourg-de-Péage qui sont à 4 points. À 4 victoires, pardon, et 12 points en tête. Voilà pour les Panthères. Donc réaction attendue la semaine prochaine. Et donc Saran, pour terminer, qui est pas dans la même situation, mais pas loin. Hein. Alors, qui était dans la même situation et qui a très très bien réagi vendredi soir. En allant gagner à Saint-Raphaël, ce qui est quand même pas rien. Je crois que c'est un des plus gros exploits de Saran dans cette division. Ah ouais. Complètement inattendu comme match, enfin comme victoire, après leur début de saison, mais franchement, elle va faire beaucoup de bien. Alors là, j'ai pas le classement en tête, mais je crois qu'ils sont plus derniers. Ça va être avant-dernier ou quelque chose. Alors, ils font partie des équipes à 2 points. Donc, il y a 4 équipes, il y a Dunkerque, Nancy, Saran et Toulouse qui sont à 2 points, donc c'est voilà. Ouais. Ils ont rejoint le dernier peloton. Ils sont pas décrochés vraiment derrière, oui. C'est ça. Ah, déjà c'est pas rien dans la tête, déjà c'est pas rien. Ouais, psychologiquement c'est vrai. Et puis franchement d'aller gagner à Saint-Raphaël, je pense que ça va quand même les peut-être lancer leur saison. Mais ils étaient invaincus, oui, Saint-Raphaël, donc c'est vrai que c'est. Ouais, ils étaient invaincus. Hein. Ah bah c'était vraiment la grosse cote hein, d'aller gagner là-bas. Oui, c'est vrai que oui, c'était pas, ouais, on s'y attendait pas, mais tant mieux. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, 28-25, c'est aussi le score de Gien à Rennes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est marrant ça. Ah ouais. J'y ai pensé samedi soir. Ouais, c'est marrant. Et puis c'est deux exploits. Deux grosses victoires. Pour Saran, c'est dans un autre contexte parce qu'il fallait vraiment gagner. Mais oui, c'est vrai que c'est le même score. Donc ouais, face à Saint-Raphaël qui est bah qui a un des gros calibres de première division quand même depuis des années. C'est clair, c'est un des cadors de la première division. C'est ça. Grosse expérience, gros public en plus là-bas. Oui. Enfin, si ça n'a pas changé, donc ouais, c'est très très bien. Ça se passe par contre plutôt bien pour Chartres, hein, 2 victoires, 2 défaites et 1 nul. Ouais, tout à fait. Qui est milieu de tableau, donc ça se passe plutôt bien. La dernière en date, la victoire, c'était justement ce week-end à Chambéry. Petite victoire d'un but, 25-24, donc ça se passe bien pour Chartres. En tête, c'est Paris, bah, logiquement, 5 victoires en 5 matchs, voilà, il n'y a pas de débat pour eux. Nîmes, 8 points, Aix et Saint-Raphaël, donc 7 points, donc Saint-Raphaël, première défaite pour eux. Ça rend, c'est d'enchaîner maintenant avec la 6e journée, ce sera jeudi, réception de Istres. Voilà. Alors, tu te rappelles quand même qu'au début de la saison, on était censé jouer le week-end. Oui, oui. Et en fait, il ne joue jamais le week-end. Hein. Non, c'est vrai que la journée, elle s'étale du jeudi au dimanche. C'est incroyable. Ouais, non, mais c'est toujours pareil. En fait, rien ne change. Non, c'est ça. Les matchs de championnat étaient prévus pour se jouer samedi. Oui, c'est ça, initialement. Et c'est vrai que ça rend à jouer. J'ai pas regardé tous les matchs, mais ils ont joué dimanche le premier match. Ouais. Mais après, je crois qu'ils ont joué toujours ou vendredi ou jeudi. Ouais, ils ont joué jeudi après. Après, ils ont joué. Ils ont joué le dimanche, mais ils ont pas joué le samedi encore. Après, ils ont joué encore jeudi. Là, ils ont joué en vendredi, donc encore pas le week-end. Et là, ils rejouent jeudi. Voilà, donc ou jeudi, vendredi. Mais c'est vrai que bon, en fait, c'est encore pas respecté, quoi. Non, mais bien sûr que non. Et après, comment tu veux fidéliser un public, des gens, enfin bref. C'est vrai que le jeudi, c'est pas simple. Le vendredi, peu plus, mais le jeudi, c'est pas possible. Mais bien sûr, non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, moi, ça me choque, mais. Enfin bon, bref, ils reçoivent qui jeudi, tu m'as dit? Istres, ah. Ouais, okay. Qui est 12e, qui est dans la même configuration quasiment, mais qui a fait un match nul de mieux que cette défaite. Donc voilà, aussi, ça peut être bien pour enchaîner. Ouais, c'est à peu près le match idéal pour enchaîner. Mais il va falloir rester sur la lancée, sur la même dynamique. La même dynamique, ouais. Ouais, ça peut, oui, c'est vrai qu'une victoire comme ça, un exploit à l'extérieur, ça peut lancer quelque chose. Ouais, complètement. Puis là c'est ce qu'on a, en foot, on dirait, c'est un match à 6 points. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Bah, la World aussi, d'ailleurs, on le dit pas, mais c'est un match. C'est pareil, ouais. C'est la même chose, ouais. Donc il va falloir être fort, donc joli, donc ce sera au Bois Joli, hein. Enfin c'est plus ça maintenant, c'est Jack Macuza. Ouais. À Saran, donc allez-y si vous êtes dispo, ça peut être un match intéressant pour Saran. Bah c'est un match où, alors là, s'il y a bien un match où ils ont besoin de leur public, c'est jeudi soir. Oui. Ils ont plus besoin de leur public sur un match comme ça que quand ils vont recevoir Nantes ou le PSG. Oui, c'est sûr, parce que là, il y aura moins de suspense, mais c'est vrai que là, il va falloir, c'est un concurrent direct, donc, complètement. Il faut gagner absolument. Voilà, donc pour ça. Hein. Et puis donc, reprise cette semaine de la Ligue des Champions, puisqu'il y avait aussi, une trêve. Juste avant. Oui. J'ai pas trop suivi les autres résultats de Sterling, mais j'ai quand même suivi je sais pas si tu l'as suivi aussi, d'ailleurs, la colère du président de Nantes contre les arbitres. Ah oui, j'en ai entendu parler, j'ai pas fait trop attention, mais j'en ai entendu parler, oui. Ah, il paraît que c'est la pire, enfin, Nantes s'est incliné à domicile. Face à Limoges, oui. Ouais, face à Limoges, c'est déjà une grosse surprise. Oui. Et le président de Nantes a pété un câble, hein, il n'y a pas d'autres mots contre les deux arbitres. Oui. Et je pense que ça va aller très loin. Oui, c'est Gaël Pelletier, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est des insultes, ouais, carrément. Ah ouais, insultes, ouais, et puis. Ouais. Et donc il va passer bien sûr en commission de discipline vendredi. Voilà, c'est l'info qu'on a. Donc ça peut aller loin, comme tu dis, ouais. Ah, c'est assez rare, hein. Franchement, c'est. Oui, c'est très rare. Et ouais. Il y a souvent les matchs sont souvent tendus, mais après les matchs en général, il n'y a pas grand chose. Oui, c'est même des propos homophobes apparemment. Ouais, ouais. Alors ça, c'est. En tout cas, il y a eu crise de nerfs, il y a eu insultes, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup de témoins apparemment. Après, le contenu de ce qu'il a dit, on ne sait pas, mais je pense que. Ouais. Je pense que ça va lui valoir et peut-être au club d'ailleurs des sanctions, ouais. Et c'est des frères, des arbitres qui normalement qui sont aussi sur le point de porter plainte. Donc ça peut aussi aller loin pour lui après personnellement. Ouais. Enfin voilà, c'était juste pour signaler ça. Oui, c'est vrai que c'est très rare dans le monde. C'est vrai que d'avoir des histoires comme ça. Ouais, parce que le hand, les matchs sont souvent très tendus, très physiques, ça peut même contester pendant les matchs et tout, mais en général, une fois que c'est fini, le hand, c'est fini. Ouais, c'est ça, on n'en parle plus, ouais. Ouais, on n'en parle plus. Et souvent, même dans les matchs assez tendus, 10 minutes après, tu vois les gars en train de discuter entre eux sans aucun souci. Ouais. Et là, je pense que... Et en plus, comme c'est assez rare, je pense que les sanctions vont être exemplaires. Ils vont mettre un... Oui, comme tu dis, ça va être l'exemple pour pas que ça recommence. Donc on va voir vendredi, donc mission de discipline pour le président de Nantes. Je le disais, donc oui, la Ligue des Champions reprend. Il n'y avait pas de match la semaine, enfin ce week-end, ni le week-end d'avant d'ailleurs. Donc reprise pour toute Montpellier, qui est 4-5e de sa poule, et reprise pour Paris qui est 5e aussi. C'est pas des gros débuts, mais la saison. Après c'est très long et puis. C'est des poules où tout le monde est qualifié quasiment. Ouais, c'est vrai qu'ils font des poules, mais on se demande pourquoi. Et puis Brest aussi qui va reprendre chez les filles. Pareil, ça a pas très bien démarré, mais la campagne est longue. Par contre, Metz 2-2 pour l'instant, donc ça va bien. Ça reprend aussi ce week-end pour elle. Et puisqu'on est on parle des filles, l'équipe de France féminine jouait cette semaine deux matchs de qualification à l'Euro 2022. Ouais. 2-2 pour les filles qui ont remporté d'abord la rencontre face à la République tchèque mercredi 38-22. Bon, c'était largement à sa portée, ça s'est bien passé. Plus j'ai vu une partie du match sur l'équipe. Ouais, c'est l'équipe qui diffusait. Et franchement, c'était assez faible en face, faut être honnête. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas grand-chose en République tchèque. Ouais. Après le deuxième match, j'ai pas vu par contre. Ben, c'était donc face à l'Ukraine, ça. Alors ça s'est pas aussi bien passé. Alors il y a eu beaucoup de cadres blessés ou laissés au repos, grâce à Adi, Edwige, Zelinko, Pino notamment. Donc c'est vrai que ça a beaucoup fait tourner. Ce qui était mené encore de 2-2 à 7 minutes de la fin. Et puis finalement elles sont revenues, victoire 28-25. Donc 2 victoires en 2 matchs, c'était le début des qualifications. Donc ça a bien démarré. Prochain match. Ce sera le 2 et 5 mars prochain. Ce sera face à la Croatie. Il y aura deux matchs face à la Croatie, match aller-retour, donc au mois de mars. En tout cas, elles sont bien placées, les filles, pour ce début de qualification. Et puis, il y aura les garçons aussi qui, un peu plus tard, auront ces qualifications à jouer. Au mois de décembre, c'est la Coupe du Monde chez les filles, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, je crois aussi. Et puis l'Euro garçon en janvier, comme d'habitude, une en décembre, une en janvier, donc ça va vite arriver aussi tout ça. Quelques mois seulement après les titres olympiques de nos équipes de handball français. Voilà donc pour les filles, ça s'est bien passé pour ce début de campagne de qualification. Je crois qu'on a été complet. Hein. On a fait le tour. On a fait le tour. Parfait. Voilà, on se retrouve dans 2-3 semaines pour. On fera le point. On fera le point après les deux matchs qui restent. À la trêve, voilà. Un petit peu ce que ça a donné ces rencontres. Tu seras aux deux matchs de toute façon. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vas pouvoir nous faire un bilan de tout ça. Ça marche. Parfait, Sylvain, merci à toi. Je t'en prie. Bonne soirée, à bientôt. Salut, bonne émission. Merci, ciao. Voilà donc et Sylvain il a raccroché, c'est pas grave. À qui j'avais promis un titre, ce sera juste après. Hein. J'étais pas oublié Sylvain. On écoutera, ce sera donc dans quelques minutes. Ce sera donc Chris Rea. Voilà, je n'ai pas oublié, c'était promis, ce sera ce soir. Je le prépare tout de suite d'ailleurs. Donc voilà pour ce point handball, plein de choses. Encore à dire ce soir, il y avait un gros point à faire, et on va poursuivre nous dans quelques secondes. Avant, on vous rappelle les directs, ça bien sûr démarré depuis maintenant un peu plus de 20 minutes, les rencontres avec des buts déjà, dans quelques rencontres, un but entre l'Estonie et le Pays de Galles, c'est le Pays de Galles qui a ouvert le score. à la 12e minute par l'intermédiaire de Moore. Après 12 minutes de jeu donc. Rencontre aussi qui a démarré avec les Pays-Bas qui mènent déjà 2-0 face à Gibraltar. Bon, c'est assez logique. Van Dijk et Depay les buteurs. Un but en Croatie. La Croatie menait 1-0 par Slovaquie. Ça fait 24 minutes de jeu. L'Islande aussi qui a ouvert le score face au Liechtenstein. C'est l'ouverture du score de Thordarson. Pas de but pour l'Allemagne pour l'instant du côté de la Macédoine du Nord. Pas de but non plus pour la Roumanie. Voilà, pour l'instant ça n'a pas barqué beaucoup, mais ça fait que, on se le rappelle, 25 minutes. Pas de but non plus en national entre Bourg-en-Bresse et Sedan. 0-0, 24 minutes de jeu. Du tennis, bah là ça a forcément bougé. Ça a bougé, oui. Ça a bien bougé puisque Diego Schwartzmann menait tout à l'heure un break d'avance. Et je crois qu'il menait 3-1 et qu'il servait pour 4-1. Et puis maintenant, eh ben, il a été débreaké et breaké à son tour puisqu'il est mené 6-5 et que Dan Evans, le Britannique, va servir pour le gain de la première manche. Et dans l'autre rencontre, pas de break pour l'instant entre Lloyd Harris et Casper Ruud. 5 jeux partout. On rappelle que c'est le 3e tour du Masters 1000 de Indian Wells. On fera un point tout à l'heure complet sur le tableau. Et on rappelle que pour l'instant, il n'y a aucun du Big Three, notamment Roger Federer, Rafa Nadal et Novak Djokovic qui sont présents sur ce tournoi. Pour les deux premiers, c'est normal, ils ont terminé leur saison, mais pour Novak Djokovic, il a préféré faire un break après son US Open. Voilà donc pour le tennis chez les filles. Jake Kerber a remporté la première manche 6 jeux à 2 et elle est menée 5-1 dans la deuxième, donc ça, on se dirige tout droit vers un troisième set décisif. Voilà les directs. On va marquer une pause et on revient après. Et puis on va enchaîner puisqu'on a plein de choses à faire. Encore il y a 21h11. Formule 1, un mot de basket aussi puisque tout a repris en première division. Du rugby et du foot, du tennis aussi. Donc plein de choses aussi au foot. Donc on va accélérer plein de choses. Tout de suite donc Chris Ria, comme je l'ai promis à Sylvain, c'est tout de suite avec. On va écouter Auberge de Chris Ria et on revient après ça pour... Eh bien enchaîné, donc tout notre débrief, on est parti pour cette pause et on se revient juste après dans un peu moins de 5 minutes. Chris Ria, Auberge, juste après ça on revient 21h12, à tout de suite. Oh, sin, though I hear what you say. Think with a dagger in your dire knees, begging for mercies and reasons to praise. Cause this is the naked truth, and this is the light. And there's only one place left to go. C'est pour Auberge à l'instant pour ce deuxième titre. C'était pour Sylvain, ça, qui nous écoute encore. On est de retour pour donc la deuxième partie. Je rappelle qu'on suit des matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022 avec des matchs et des buts surtout. Ça bougeait encore. Ouverture du score de la République tchèque qui joue en Biélorussie 1-0. Ouverture du score de la Norvège face au Monténégro. C'est pas Alain non qui a marqué, c'est un autre joueur. 1-0 donc à la prière d'une demi-heure. Et des buts aussi en Croatie. La Croatie qui a égalisé la 25e qui affronte la Slovaquie. C'est ouverture l'égalisation de Kramaric pour la Croatie. Ouverture du score de la Russie aussi. Qui est en Slovénie 1-0 pour la Russie. Ouverture du score de la Roumanie aussi face à l'Arménie 1-0. Et pas toujours de but entre la Macédoine du Nord et l'Allemagne. C'est le groupe J. Entre donc l'Allemagne qui pourrait, en cas de victoire, se rapprocher un tout petit peu plus donc de la qualification. Voilà donc pour les matchs. Et puis en tennis, Dan Evans qui a remporté la première manche, s'est fait 7-5 face à Diego Schwartzmann. Tie break entre Lyle Harris et Casper Ruud. Et troisième set chez les filles entre Angélique Kerber et Kazakhina la Russe. 6-2, 1-6 pour l'instant. La suite donc avec Formule 1. Formule 1 donc est la suite de la saison du championnat du monde. Forcément, on l'attend avec un duel entre Hamilton et Verstappen qui continue. Le dernier en date, c'était hier le Grand Prix de Turquie. Et ce n'est ni l'un ni l'autre qui ont gagné puisque c'est Valtteri Bottas, le Finlandais, qui s'est imposé. Le Finlandais donc sur Mercedes qui a remporté ce Grand Prix. On rappelle, c'était lui qui déjà était sur la grille de départ, première position. Verstappen qui était deuxième, et bien resté deuxième. C'est Perez sur Red Bull, coéquipier de Verstappen, qui a pris la troisième place, qui démarrait sixième. Et puis, on avait un Français qui était bien classé, c'était Pierre Gasly, quatrième. C'est le grille de départ qui a reculé un petit peu, qui finit quand même sixième. Charles Leclerc, quatrième. Et Lewis Hamilton, seulement cinquième. Qui n'a pas pu faire mieux, lui qui partait à la 11e place, et donc il n'a pas pu faire mieux que 5e. Il perd donc pour l'instant la tête du championnat, mais la saison est encore longue. Côté français, 10e place pour notre français Esteban Ocon. Le classement pilote, Verstappen a donc repris la tête, 262 points. Hamilton, donc deuxième, 256 points. Voilà, 6 points toujours d'écart, cette fois en faveur du Hollandais, mais la saison reste encore d'être longue, puisqu'il va rester encore 7 Grands Prix, donc rien n'est joué. 6 désormais, 6 Grands Prix, parce qu'on avait on a eu des annulations, donc il reste 6 Grands Prix. Le prochain, les États-Unis, retour sur un autre continent. On était en Europe toujours, on change complètement. Donc encore une fois, un week-end sans course, le temps de déménager tout ça aux États-Unis. Ce sera le Grand Prix d'Austin dimanche 24, donc pour la suite donc de la saison. Et la, le dernier Grand Prix, lui, c'était en Russie où Hamilton s'était imposé. On n'était pas revenu non plus après cette course. C'est donc Hamilton qui avait emporté celle-ci. Mais désormais, il n'est plus leader. Côté constructeur, c'est toujours la guerre aussi entre Mercedes et Red Bull. Mercedes qui possède une petite avance quand même d'une trentaine de points. La saison, voilà, aussi peut encore tourner. Voilà pour résultat en Formule 1, en MotoGP. Eh bien, MotoGP, on continue aussi avec une petite trêve pour tout le monde. La dernière course en date, c'est donc le Grand Prix des Amériques qui s'est déroulé donc le 3 octobre. Victoire de Marc Marquez, le pilote Honda, l'espagnol. Quartararo qui a fait une belle opération en prenant la deuxième place, pardon. Troisième place pour Francesco Bagnaia, l'italien, qui sont principal poursuivant. Donc il a repris quelques points importants, puisqu'il est désormais leader avec 254 points. Bagnaia, deuxième, 202 points. Voilà, donc 52 points toujours d'avance avant d'attaquer la ligne, dernière ligne droite. Pas ce week-end, mais le prochain Grand Prix en Italie. Voilà, donc là, le temps de revenir des États-Unis, eh bien, ce sera que le 24. Ensuite, Grand Prix du Portugal, encore deux semaines après, le 7, et encore à nouveau une petite pause et Grand Prix de Valence pour finir. On espère déjà, pourquoi pas, dès le week-end prochain, un titre, puisque ça peut être le cas, en cas de grosse contre-performance de l'Italien. Pourquoi pas, même si on ne le souhaite pas, mais ce serait en tout cas beau pour lui, pour le pilote français Quartararo. Et en rallye, championnat du monde des rallyes WRC, là aussi la dernière ligne droite approche. Le dernier rallye, c'était en Finlande, du 30 au 3 octobre, du 30 septembre au 3 octobre. Rallye de Finlande dominé par Philippe Evans, le Britannique, qui a pris donc la première place. Ott Tanak, deuxième. Greg Breen, l'Irlandais, troisième. Cinquième place pour Sébastien Ogier, qui donc est toujours leader, bien entendu, mais qui a concédé quelques points puisque Philippe Evans s'est imposé et qu'il n'a pris que la cinquième place. Donc toujours un match d'avance, mais un peu moins. 190 points pour le Français, 166 pour le Britannique. Voilà, donc 24 points toujours d'avance. Mais attention, il peut encore y avoir des choses dans cette fin de championnat. Mais voilà, on espère que ça va le faire pour lui. Le rallye d'Espagne. Catalogne, ce sera eh bien ce week-end. Voilà, donc il a aussi, pourquoi pas, le titre hein, en cas de succès et de contre-performance d'Evans. Mais si c'est l'inverse, eh bien tout se jouera sur le dernier. Ce sera la rallye de Monza, mi-novembre. Donc peut-être que tout se jouera sur le dernier rallye, on verra. En tous les cas, il faut déjà bien se comporter ce week-end pour rester devant jusqu'au bout de cette saison. Voilà pour donc Sébastien Ogier, le Français, qui pour l'instant est toujours leader et est en passe de remporter un huitième titre de champion du monde des rallyes. Voilà pour notre point mécanique. On referme cette page et on va changer d'univers avec dorénavant le basket, donc avec la reprise. Alors ça fait déjà trois rencontres de reprise pour l'OLB qui a rattaqué donc cette Betclic Elite désormais avec une victoire donc dans la dernière journée. C'était donc face à Cholet, 88-81. C'est donc ce week-end au Palais des Sports. Avant ça, l'OLB qui a perdu sa première rencontre, c'était extérieur à sur l'équipe du Portel, 89-72. Donc pour l'OLB qui démarre tranquillement pour l'instant sa saison Et puis un match face à Strasbourg qui devait se dérouler lors de la deuxième journée et qui a été reporté, cette rencontre, et donc qui aura lieu désormais le 2 novembre. Voilà, reporté cette rencontre. Donc 2 novembre pour affronter Strasbourg. Pour le moment, c'est l'ASVEL et Bourg-en-Bresse qui sont leaders avec 3 victoires en autant de matchs. En bas, Strasbourg et Fos-sur-Mer n'ont pas remporté de match. L'OLB est à la moitié avec une victoire et une défaite. La suite du championnat pour Orléans se fera à Fos-sur-Mer, justement, qui a perdu ses trois rencontres. Donc l'idéal pour repartir et enchaîner avec un match qui aura lieu vendredi soir donc à l'extérieur, hein, à Fos-sur-Mer. Gros déplacement pour eux vendredi 20h pour Orléans dans le cadre donc de la 4e journée donc de cette Battle League Elite. Voilà donc pour ce début de saison. La NBA, on le rappelle, reprendra dans 10 jours déjà, ça va vite repartir. C'est un championnat qui reprendra avec Milwaukee face à Brooklyn et les Lakers face à Golden State, les deux finalistes toujours des derniers playoffs qui redémarrent. Donc ça repart le 20 octobre, donc dans 10 jours déjà, hein, ça va vite repartir pour la reprise de cette saison avec toujours autant de matchs comme d'habitude, bien sûr. Voilà pour le basket. On va poursuivre, juste un mot rapide d'athlétisme, un tout petit mot, puisque on est dans la saison des marathons. Des marathons qui se poursuivent un petit peu partout. Le dernier en date. Il y a eu deux marathons. Donc le marathon de Berlin, notamment celui de Berlin. Avec un record du monde qui était attendu pour Bekele, et finalement troisième du marathon de Berlin, qui avait été atteint par le Covid et qui a eu du mal dans ce marathon, troisième à Berlin, et qui s'était lancé dans le record du monde, et finalement il n'en est rien. L'Éthiopien qui a réalisé une belle performance, mais troisième. Prochaine tentative à New York en novembre pour tenter retenter cette performance de record du monde. Et puis l'autre marathon, c'était à Boston, le fameux marathon de Boston qui avait été annulé ces dernières années. C'est Kenyan Kipruto qui a remporté le marathon de Boston à 30 ans. Il s'est imposé. C'était aujourd'hui, ce matin, en 2h09:50. On retrouve ensuite les deux Éthiopiens, Berhanou en 2h10:37 et Immer en 2h10:38. Chez les femmes, succède la Kenyane Kipyoge à 27 ans, qui a réalisé un chrono 2h24:45. Voilà. Et puis ensuite, c'est encore deux autres Kenyans qui se sont placés deuxième et troisième. Et surtout une Kenyane de 41 ans qui a pris la deuxième place en 2:25:09. Grosse performance, championne du monde en 2011-2013, qui avait remporté Boston déjà en 2017, et à troisième place en 2:25:20 d'une autre Kenyane. Voilà donc pour ce marathon de Boston qui faisait son retour après plusieurs années sans. Il y avait eu notamment le Covid, bien sûr, et puis les attentats également, hein, on s'en souvient, donc ça fait plaisir de revoir ce marathon qui reprend. Voilà pour ces petites infos athlétisme, hein, la saison est terminée officiellement, mais il y a encore les marathons, bien sûr, qui continuent un petit peu partout. Voilà, on referme cette page et on revient dans nos directs aussi avant d'enchaîner, puisqu'on suit toujours, bien sûr, on rappelle les qualifications au Mondial 2022. C'est toujours les matchs en direct. On revient sur le tennis dans un instant. bien sûr aussi avec le tableau dans quelques minutes aussi. Mais avant ça, donc les directs, on les rappelle, il y en a pas mal, hein, les buts et le temps et le score. Toujours 1-0 pour l'appui tchèque en Biélorussie, c'est la pause dans 2 minutes. 1-0 pour le Pays de Galles face à l'Estonie, toujours aussi. La Norvège mène toujours 1-0 face au Monténégro. Les Pays-Bas mènent également toujours 2-0 face à Gibraltar. Lettonie-Turquie 0-0. C'est l'un des seuls matchs sans but pour l'instant. La Slovénie est menée 2-1 par la Russie. La Croatie tenue en échec par la Slovaquie 1 partout. L'Islande mène désormais 2-0 face au Liechtenstein après le deuxième but de Gudmundsson sur penalty. La Roumanie mène toujours 1-0 face à l'Arménie. Et l'Allemagne, toujours pas de but face à la Macédoine du Nord, 0-0. C'est la mi-temps là dans les 2-3 minutes qui arrivent un petit peu partout sur les pelouses. Et puis Bourg-en-Bresse face à Sedan, toujours 0-0 aussi. En national, c'est la 10e journée. C'est la pause là aussi dans quelques secondes. Le tennis, ça a repris bien sûr dans le deuxième set entre Diego Schwartzman et Dan Evans. Et le Britannique qui a déjà fait le break 2-0 d'entrée. Là, Harris face à Casper Ruud, 7-6, 1-0. Pour l'instant, pas de break dans la deuxième manche. Et chez les filles, Angélique Kerber, Kazatkina, 1 partout dans la troisième manche. Voilà pour les directs. Avant justement de parler de tennis et de ce tournoi d'Indian Wells, un mot de rugby où l'on jouait la 6e journée de top 14 avec notamment enfin une victoire pour le Stade français à domicile. C'était face à Clermont hier, 22-14. Pour le Stade français qui démarre tout doucement cette saison voilà, mais qui s'est imposé enfin à domicile donc ce week-end, donc hier soir. Les autres résultats avec une seule victoire à l'extérieur, celle de Lyon à Biarritz, qui Biarritz est dans la même situation que le Stade français et aussi qui fait un démarrage très très timide, donc victoire 40-5 de Lyon. Et ensuite que des victoires à domicile: La Rochelle, le Racing, Bordeaux-Bègles, Toulouse ou encore Toulon. Toutes ces équipes-là ont gagné. Toulouse d'ailleurs est leader, 6 victoires, 6 matchs, le carton plein. Bordeaux-Bègles est deuxième, 19 points. Il y a déjà voilà, 7 points d'écart. Hein. Lyon, 3e, 17 points. Le Racing, 16 points. Le Brive, 15 points. Castres pour Montpellier suivent. Toulon est seulement 9e. La Rochelle, 10e. Pardon. Clermont, 11e. C'est une grosse surprise. Deux victoires seulement. Perpignan 9e, Stade français est 13e avec 2 victoires et Biarritz également dernier. Pas mal de surprises dans ces débuts de saison de top 14. On le disait tout à l'heure avec Sylvain, c'est vrai que les périodes, grosses périodes sans jouer comme ça ont pu faire mal aux grosses équipes. Bah c'est aussi le cas en rugby, hein. On s'en aperçoit ici au top 14 où des grosses surprises pour l'instant se font sentir. Bon, après ça peut encore tourner, mais ça a mal démarré pour pas mal d'équipes, hein. On pense bien sûr à La Rochelle notamment, ou encore Clermont, hein, pareil, hein, qui a vraiment mal démarré, donc bah voilà, ça se précise aussi dans le rugby. La prochaine journée, 7e journée, samedi, dimanche, le match de samedi soir sera Toulon Racing, et puis dimanche soir à Lyon Toulouse. Voilà, le leader se déplacera à Lyon. Et puis en rugby aussi, Four Nations, alors le Rugby Championship maintenant, hein, ce fameux tournoi d'hémisphère sud qui s'est terminé avec le titre pour la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas une surprise, qui a perdu un match tout de même. C'était la dernière rencontre face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a fait tomber la Nouvelle-Zélande 31-29, mais sinon la Nouvelle-Zélande qui a remporté tous ses matchs avec à chaque fois des points de bonus, en plus offensif, et puis un défensif pour finir 25 points. L'Australie deuxième, 18 points. L'Afrique du Sud qui amène un tout petit peu derrière, troisième, 15 points. Et l'Argentine qui n'a pas pris le moindre point, même pas de points de bonus défensif. L'Argentine qui a fait figure de faire valoir un petit peu dans ce dans cette saison. Alors, parfois, il y a quelques points de marqués, mais pas cette année, pour l'Argentine qui a fini avec zéro pointé, mais à Nouvelle-Zélande, sans surprise, mais qui tout de même a perdu son dernier match. Voilà pour le rugby, 7e journée de Top 14, samedi et dimanche, on le rappelle. Et on enchaîne maintenant, bien sûr, avec le tennis, avant de parler de foot, bien sûr. C'est d'ailleurs la mi-temps partout au foot, hein, sauf en Pays-Bas, où nous sommes toujours dans le temps additionnel. Et en Allemagne aussi, dans le temps additionnel, mais sinon, la mi-temps, c'est un peu partout. Le tennis, bien sûr, c'est Indian Wells, cette semaine, pour les hommes et les femmes, d'ailleurs. On parle aussi de l'Open d'Australie après, même si c'est que dans le mois de janvier, mais ça approche quand même, puisque ça fait débat en ce moment, le protocole, on en parle un instant, qui fait parler pour participer à l'Open d'Australie, on en parle dans un instant. Indian Wells d'abord, bien sûr, c'est donc le... Avant de parler d'Indian Wells, c'est bien sûr un retour sur l'Open d'Orient quand même, bien entendu. Belle édition, très belle édition de l'Open d'Orient qui s'est terminée dimanche dernier avec la victoire. On aurait aimé un Français, malheureusement ça n'a pas été le cas, même si c'est beaucoup de Français. Victoire du Suisse Henri Laaksonen qui s'est imposé face à Denis Novak, l'Autrichien, en 3 manches. 6-1, 2-6, 6-2. Victoire donc du Suisse voilà, qui s'impose, qui a fait une belle semaine, qui a notamment battu la tête de son numéro 5 Gary Vesely en demi-finale et puis la tête de son numéro 2 Benjamin Bonzi aussi en 2 manches. Benjamin Bonzi qui est resté sur 3 victoires consécutives en tournoi Challenger, mais malheureusement pour lui ça s'est arrêté à Orléans. Et puis côté français, bah, des belles performances. On pense à Quentin Moutet, tête de série numéro 6, battu malheureusement en demi-finale par Denis Novak. Richard Gasquet, qui est arrivé en quart de finale, battu par Vesely. Beaucoup de Français, hein, notamment avec également Lucas Pouille, battu par Gasquet, Quentin Alice, Hugo Grenier, ou encore Indernec. Enfin voilà, beaucoup de Français étaient présents. Bien sûr, Quentin Alice qui a perdu très très vite. Hugo Humbert, malheureusement, c'était la déception. Tête de série numéro 1 battue d'entrée en 2 manches par Quentin Alice, par le Français. Pierre Hugerbert aussi, qui était aligné en simple et en double, battu au deuxième tour du tournoi en simple. Grégoire Barreur aussi, battu d'entrée. Voilà, beaucoup de Français. Beaucoup de gros anciens joueurs et de gros joueurs actuels. On pense à Verdasco, l'Espagnol qui était présent, alors qui a perdu aussi d'entrée. Gulbis, ancien top 10, voilà, qui était présent aussi. Voilà, un gros tableau. Et ça a été en tout cas une belle fête toute la semaine au Palais des Sports. Et puis côté double, victoire des Français, Albano Olivetti, Pierre Hugerbert qui a emporté l'oncle double. Enfin, c'est une autre paire française d'ailleurs, Kyrian Jacquet, Antoine Wang. Le score 6-2, 2-6, 11-9. On rappelle que en double, en tout cas challenger, le troisième set est un super tie-break en 10 points gagnants. Donc voilà, les Français qui ont remporté le tournoi double, et Herbert qui remporte un nouveau titre à Orléans, le troisième, deuxième en double. Il avait remporté une fois en simple, et en tout cas voilà, c'est une nouvelle victoire pour lui qui se plaît bien à Orléans. Voilà, donc belle édition, on attend avec impatience la prochaine, avec peut-être un tableau moins étoffé, hein. C'est vrai que c'était une année exceptionnelle avec une semaine idéal où peu de tournois avaient lieu, hein, sur ce créneau-là. Les seuls tournois importants de la semaine étaient à Sofia et San Diego. Mais dans les Challenger, c'était l'un des principaux. C'est le Suisse Henri Laaksonen qui s'est imposé. Cette semaine, je le disais, Indian Wells est au programme. La tête de série numéro 1 du tournoi, c'est... Eh bien, l'absence de Novak Djokovic, c'est donc Daniil Medvedev, le Russe, qui donc fait office de tête de série numéro 1. Voilà, donc on rappelle, pas de Novak Djokovic, qui a préféré faire l'impasse après l'US Open, bien sûr, qui a été très fort en émotion. Le russe pour l'instant était au troisième tour après deux victoires. Alors un premier match sans exemple puisqu'il était tête de série numéro 1, première victoire, et là il affrontera cette nuit Krajinovic. Ce sera la tête de série numéro 27 du tournoi. Nous aurons toujours en présent Chapovalov qui affrontera Karatsev cette nuit. Rublev il sera aussi sur les cours. Bautista Agut, Tiafoe. On aura donc également Gaël Monfils demain face à Kevin Anderson, sud-africain. Andy Murray toujours présent puisqu'il a battu le jeune espagnol Alcaraz qui a fait sensation à l'US Open en 3 manches 5-7, 6-3, 6-2. Il affrontera le britannique qu'on rappelle qu'il a bénéficié d'une invitation pour le tournoi. Il affrontera Alexandre Zverev, tête de semi numéro 3, l'allemand. Gros défi pour le britannique. Donc au troisième tour, Khachanov face à Carreno Busta, Fodini face à Tsitsipas qui est la tête de semi numéro 2, qui est toujours présent. Mais côté français, pour l'instant, seul Gaël Monfils est rescapé. Il faut dire qu'il n'y avait que deux Français engagés dans le tournoi. Trois, pardon, puisque Anne-Reine Manarino a perdu d'entrée face à Andy Murray. Et l'autre Français, c'est Benoît Paire, qui lui a été battu aussi d'entrée face à Frances Tiafoe. L'Américain 6-4-6-4. Donc trois Français seulement présents. Un seul, pour l'instant, rendez-vous du troisième tour. Et c'est également le tableau femme, finalement le tournoi de l'Universe pour les femmes. Pliskova tête de série numéro 1. Swiatek, la polonaise en tête de série numéro 2, qui est toujours là. Côté française, c'est déjà terminé pour Caroline Garcia, notamment, qui était présente. Ou encore Fiona Ferro et Alizé Cornet, qui était présente également, mais très peu de Français présents. Donc cette année à Indian Wells. Ensuite, devait se dérouler le Masters 1000 de Shanghai, mais qui a été annulé. Toute la tournée asiatique a été annulée. Tokyo, Pékin, Shanghai. Donc pas de Shanghai de la semaine prochaine. Les prochains rendez-vous importants, ce sera fin du mois. Il y aura Vienne. TP500, ce tournoi de balle a été annulé également, comme beaucoup de tournois. Le Rolex Paris Masters, bien sûr, début novembre. Et puis, le Masters de Turin, qui ne sera plus à Londres, mais à Turin. Voilà, les seuls rendez-vous, donc, surtout le Masters de Paris-Bercy, et puis le Masters. Voilà, donc, une fin de saison très calme. Un petit point sur les classements avant de refermer la page de tennis. Novak Djokovic, bien sûr, est toujours numéro 1 mondial, possède plus que 1000 points d'avance sur Daniil Medvedev, ça peut tourner. Tsitsipas est numéro 3, Zverev 4e, Rublev, Nadal toujours 6e malgré sa fin de saison anticipée. Berrettini 7e, Thiem, Roger Federer est toujours dans le top 10, 9e, mais très très proche de Casper Ruud, norvégien, qui est 10e, qui pourrait passer devant d'ailleurs cette semaine Ogier Aliassim. Gaël Monfils 8e, 18e, pardon, qui a récupéré 2 places semaine passée. 18e, premier français. Hugo Humbert, ensuite, qui est 25e. Qui grappille, qui va peut-être bientôt passer devant Gaël Monfils. Ce serait logique, qui est beaucoup plus jeune, qui est jeune génération. Benoît Paire, 49e. Manarino, autour de la 60e. Benjamin Bonzi aussi, qui monte, 63e. Qui fait de grosses performances en ce moment. Rinderneck, 70e, jeune français Arthur Rinderneck. Jérémy Chardy, toujours là aussi. Quentin Moutet, qui monte aussi, 8 places, 83e. Richard Gasquet, grosse chute, qui est toujours dans le top 100, mais peut-être plus pour longtemps, 88e. Et Pierre Gerber, tout pile à la 100e place, donc, de ce classement. Voilà, donc, pour le classement chez les hommes. Et un point avant de parler du classement femmes à la race, les qualifiés pour le Masters pour l'instant sont Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini, Nadal, Nadal qui n'y sera pas c'est sûr, Ruud pour l'instant et Urkacz qui sont les qualifiés pour l'instant pour la Masters fin de saison. Pour certains c'est déjà fait, pour d'autres il faudra se batailler pour y rester. Et pour d'autres, il y a des places à prendre encore d'ici la fin de cette saison. Et chez les femmes, donc, avant de refermer, eh bien, Ashley Barty, toujours numéro 1, Sabalenka, deuxième, Pliskova, Świątek, Muguruza, Svitolina, Sophie Kenin, Sakkari et Bencic sont dans les top 10. La première française, eh bien, c'est Caroline Garcia qui est 59e seulement, Alizé Cornet, 64, Mladenovic, 67, Clara Burel, 80, Fiona Ferro, 83 et Océane Dodin, 91. Voilà les françaises dans le top 100. Pas beaucoup, du coup. Et avant de refermer, une petite, polémique, en tout cas, des discussions qui s'animent à l'Open Australie, à 3 mois de l'Open Australie, discussion autour du protocole Covid. La fédération australienne qui a commencé à discuter avec des joueurs pour ce prochain protocole. Voilà, ce qui semble se mettre en place, c'est un vaccin obligatoire pour et bien joué. Certains ne sont pas d'accord, notamment Novak Djokovic. Est-ce que le CERN n'ira pas? Si c'est le cas, on verra. En tout cas, dans 3 mois, il y aura le temps de se passer des choses encore du côté de ce protocole. Voilà, on referme cette page tennis. On va marquer une petite pause, parce qu'il est, voilà, on a un timing qui est plutôt intéressant. Et puis on parle bien sûr le foot, bien sûr la Ligue des Nations. L'équipe de France dans un instant, les éliminatoires, enfin les qualifications en Coupe du Monde avec les matchs du week-end, et puis ensuite le retour en France avec la Ligue 1 pour les matchs du week-end. Une pause et on revient, on écoute tout de suite Louise Attaque et on revient pour notre troisième partie. On va écouter Ton Invitation tout de suite. Et on revient après ça pour la troisième partie. C'est parti, c'est Louise Attaque. Juste après, à tout de suite, 21h47 sur Arc-en-Ciel. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'heure. J'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma maison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons entrecoupé de silence qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. C'ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'air. J'ai dû me planter dans la saison. Reste à savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison. Si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison. Si j'ai pas toute ma raison, si j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Louise Attaque, ton invitation pour cette troisième pause. Et on est de retour pour notre dernière partie. C'est le foot tout de suite à 21h 50. Les foot avec les directs qui se poursuivent dans maintenant quelques minutes. La reprise de certains matchs déjà. On rappelle les quelques matchs ce soir. On rappelle que ce sont les qualifications zone Europe de la Coupe du Monde 2022. La République tchèque mène 1-0 sur la pelouse de la Biélorussie. C'est la reprise dans quelques secondes. Le Pays de Galles mène 1-0 en Estonie. On a repris depuis quelques secondes. La reprise aussi en Norvège qui mène 1-0 face au Monténégro. Les Pays-Bas mènent désormais 3-0 face à Gibraltar. Doublé de Memphis Depay et premier but de Van Dijk. La Lettonie et la Turquie, pour l'instant, c'est l'un des seuls matchs sans but, 0-0. La Russie qui mène 2-1 en Slovénie. Le même score pour la Slovaquie qui mène en Croatie, donc 2-1. Un peu plus tôt dans ce groupe-là, c'est Chypre et Malte qui ont fait un match nul 2-2. Un match d'ailleurs que vous pouvez suivre en direct aussi, on en parlera, c'est Macédoine du Nord, Allemagne, qui se joue et qui se diffuse sur la chaîne L'Équipe, si vous voulez suivre l'Allemagne, qui pour l'instant est à 0-0 dans sa rencontre qui vient de reprendre. L'Islande mène 2-0 face au Liechtenstein, 2-0 donc. La Roumanie enfin mène 1-0 face à l'Arménie. Et puis en national, toujours 0-0 entre Bourg-en-Bresse et Sedan. Ça reprend aussi dans quelques secondes. Et au tennis Indian Wells, Diego Schwartzman est mené dans la deuxième manche par Dan Evans, 4-2. Donc break en poche, ça se passe bien pour Dan Evans qui a déjà remporté la première manche, 7-5. Et puis dans l'autre rencontre entre Lloyd Harris et Casper Ruud, c'est le Sud-Africain qui a remporté le premier set au tie-break. Et pour l'instant, pas de break 2-1 dans la deuxième manche. Angélique Kerber a fait le break, elle, dans la troisième manche face à Kazakhina. 4-3, service à suivre pour confirmer et conserver ce break. Le foot donc, eh bien revenons avant de revenir sur, bien sûr, cette campagne de qualification à la Coupe du Monde, sur la Ligue des Nations. C'était hier et tout le week-end, la phase finale, le Final Four de cette National League. Et victoire de l'équipe de France qui a remporté donc cette deuxième édition de la Ligue des Nations après le Portugal qui a été sacré il y a 2 ans. D'abord une première, revenons sur les demi-finales. Demi-finale avec d'abord Italie-Espagne. L'Italie qui donc n'avait plus perdu à domicile depuis un très longtemps, et à domicile à San Siro, et qui avait une série d'invincibilité qui était très impressionnante, et bien qui est tombée face à l'Espagne. Ferran Torres qui a marqué les deux buts alors que Pellegrini a réduit l'écart en fin de match, mais trop tard. Et surtout le fait de jeu, c'est l'expulsion de Bonucci après 2 cartons jaunes, donc qui a été exclu. Et c'est vrai que ça avait bien mis en difficulté cette équipe italienne qui donc a été battue donc à domicile par l'Espagne. L'autre demi-finale, c'était bien sûr Belgique-France, match attendu entre la Belgique revancharde après la demi-finale en 2018, on s'en souvient. Et ça avait bien démarré pour la Belgique qui a ouvert le score dès la 37e minute par Carrasco, puis Lukaku dans la foulée, 2-0 à la pause. Et puis les Bleus qui se sont mis à jouer en deuxième période et qui ont renversé le match avec d'abord la réduction de l'écart de Karim Benzema à la 62e, le penalty obtenu par Antoine Griezmann, transformé par Kylian Mbappé qui s'est vu offrir le penalty par Karim Benzema sur penalty, donc égalisation de Mbappé. Et puis 90e, après quelques secondes après le but de la Belgique refusé sur hors-jeu. Et quelques secondes après aussi, la barre de Paul Pogba, c'est Théo Hernandez qui va donner la victoire à l'équipe de France et qui se qualifie donc pour cette finale de Ligue des Nations remportée hier face à l'Espagne 2-1 donc. Après l'ouverture du score, tout s'est joué en deuxième période, l'ouverture du score de Wes Barral pour l'Espagne. Eh bien, c'est Karim Benzema 2 minutes plus tard qui a égalisé pour l'équipe de France. Et enfin c'est Kylian Mbappé qui va donner la victoire à l'équipe de France après un but checké pour un hors-jeu qui finalement s'est avéré validé ce but après eh bien que Garcia est remis en jeu Kylian Mbappé. C'est la règle un petit peu particulière du football, eh bien c'est que un défenseur qui va toucher volontairement le ballon bien remet en jeu l'attaquant. C'est ce qui s'est passé parce que Kylian Mbappé était bien en position de hors-jeu, mais le défenseur espagnol l'a remis en jeu en touchant, en tactant ce ballon. Et cette fois-ci, Kylian Mbappé, après plusieurs échecs, n'a pas manqué son face-à-face face à Unai Simon et va permettre à l'équipe de France de s'imposer, même si dans les dernières minutes, encore des occasions espagnoles, mais un grand Hugo Lloris a permis aux Bleus de s'imposer et de remporter donc cette deuxième édition de la National League, qui pourrait peut-être être un rendez-vous dans quelques années, mais pour l'instant encore dans les prémices. Et puis c'est l'Italie qui a remporté la petite finale en battant la Belgique 2-1. Un doublé pour Barella, un but pour Barella et un deuxième but pour Berardi, donc sur penalty, alors que la Belgique a réduit car en fin de match mais trop tard. L'Italie qui sauve l'honneur donc et qui prend la troisième place de cette élimination à domicile. Voilà pour cette édition 2021. 2020-2021 de la Ligue Nation, prochaine, déjà l'année prochaine, avec un tirage au sort dans quelques mois. On retrouvera la Ligue, dans la Ligue A, bien sûr, l'équipe de France à nouveau. On verra qui pourra être aussi présent dans cette Ligue A, hein, dans les groupes. Et on retrouvera aussi des nouveaux, hein, comme l'Autriche, la République Tchèque, la Hongrie, ou encore le Pays de Galles, qui se sont eux qui vont monter dans la Ligue A, hein. Et on va aussi avoir des nations qui vont descendre, hein, bien sûr, avec notamment la Bosnie qui va redescendre, l'Islande, on aura la Suède et on aura également l'Ukraine qui va descendre donc de division donc pour l'année prochaine. Voilà, donc on reparlera bien sûr de cette Ligue des Nations l'année prochaine à l'occasion de cette nouvelle édition. Voilà pour ce trophée, donc nouveau trophée pour l'équipe de France après la Coupe du Monde. Et bien c'est maintenant la Ligue des Nations à mettre au palmarès. On referme et on va rester dans les nations, mais cette fois avec les qualifications au Mondial 2022. Ça se poursuit, pendant que certains jouaient la Ligue des Nations, d'autres jouaient ces matchs de qualification. Un petit point sur ce qui s'est passé un petit peu partout dans les groupes, rapidement avec le Portugal d'abord dans le premier groupe, qui n'est plus leader. C'est la Serbie qui est leader à 14 points, mais le Portugal a seulement un point de retard et un match en moins, surtout important à jouer. Ce sera demain face au Luxembourg. Ça devrait plutôt bien se passer, pendant que la Serbie recevra l'Azerbaïdjan, qui se trouve dernier de ce groupe. L'Espagne, pour l'instant toujours leader, 13 points. Derrière on trouve la Suède, 12 points, avec un match en moins, qui sera joué demain face à la Grèce. Donc la Suède pourra repasser devant l'Espagne en cas de succès. L'Italie ne jouait pas, mais restait leader à 14 points. La Suisse, 11 points, un match en moins. La Suisse jouera demain face à la Lituanie pour tenter de revenir à hauteur de l'Italie dans ce groupe. La France, qui est toujours leader aussi avec 12 points. L'Ukraine, 8 points. L'Ukraine qui a manqué une occasion de revenir à hauteur, pardon, c'est la Finlande qui a manqué l'occasion de revenir, pardon, avec sa défaite face à l'Ukraine, justement 2-1. La Finlande qui aurait pu revenir, parce qu'elle avait déjà deux matchs de moins face à la France, donc aurait pu revenir seulement un point en cas de succès, mais c'est raté. La Finlande qui a perdu face à l'Ukraine 2-1. Donc l'Ukraine reprend 4 points de retard sur la France. La Bosnie pourrait, en cas de succès face à l'Ukraine demain, revenir à 3 points la France, mais quoi qu'il arrive, la France n'aura qu'un match à remporter. L'équipe de France n'aura qu'un match à remporter, donc ce sera peut-être face au Kazakhstan, donc le 13 novembre, dans un mois. cas de succès, ce serait fait. Mais avant ça, donc il y aura des matchs demain, Kazakhstan-Finlande et Ukraine-Bosnie. Et enfin, la France finira en Finlande, justement, où ce sera peut-être déjà joué. La Belgique, qui ne jouait pas non plus, puisque était dans cette Ligue des Nations, eh bien, quasiment qualifiée. Je vais vérifier pour vérifier tout ça, mais a priori c'est déjà bien engagé. 16 points. République tchèque, Pays de Galles, 8 points. Le Pays de Galles a notamment un match de moins quand même à jouer. Mais en cas de succès, se retrouverait à 5 petits points. Le Pays de Galles joue en ce moment, donc pour l'instant ça se passe bien. On le rappelle pour le Pays de Galles. Donc qui pourrait peut-être reprendre 3 points, donc revenir à 5 points de la Belgique, et il resterait encore 2 rencontres, donc oui, ce serait pas mathématiquement joué, mais ce serait quand même, en tout cas, bien amené déjà, alors que la Belgique et Pays se rencontreront pour finir, donc il y aura peut-être, pourquoi pas, une finale. Au moins d'ici là, la Belgique s'impose, ce qui paraît fort probable, face à l'Estonie. Le Danemark qui réalise un sans faute dans son groupe face notamment l'Écosse qui a 14 points, donc le Danemark 21 points, Écosse 14 points, Israël, Autriche 10 points. Ça se passe bien, il reste encore des matchs, mais pour l'instant le Danemark possède 7 points d'avance donc dans ce groupe, et n'a plus que 3 matchs à jouer, donc là aussi c'est plutôt bien engagé et ça se joue demain notamment. Donc demain peut-être que le Danemark pourra être qualifié en cas de succès. Ben oui, c'est ça. Si le Danemark s'impose demain, ce sera l'un des premiers qualifiés de Danemark. Les Pays-Bas, c'est serré dans ce groupe. Pays-Bas 16 points, Norvège 14 points, Turquie 12 points, Monténégro 11 points. Encore, toutes ces équipes peuvent encore se qualifier, hein. C'est assez serré. Les Pays-Bas jouent en ce moment et mènent d'ailleurs. Donc sur le score de 4-0 désormais, donc ça se précise, la Norvège aussi est en train de gagner, donc pourrait revenir rester à 2 points, donc tout se jouerait ensuite derrière sur les matchs mis à la mi-novembre, mais rien n'est joué dans ce groupe. L'Allemagne a ouvert le score, ça y est, par Havertz, 50e minute, désormais il n'y a plus que Lettonie-Turquie qui n'a pas encore de but. Donc voilà, les Pays-Bas, c'est très serré. L'autre match, groupe serré entre la Croatie et la Russie, tous les deux à 16 points. Croatie-Russie, la Croatie qui est en train de perdre à l'extérieur, alors que la Russie s'impose pour l'instant à l'extérieur, donc pourrait tourner sur ce match. Donc pour l'instant, c'est ces deux-là qui mènent. La Slovénie, 10 points. Ensuite, l'Angleterre, l'un des derniers groupes de ces qualifications, l'Angleterre qui, et leader avec 19 points, l'Albanie 15 points, la Pologne 14 points. Voilà, rien n'est joué non plus, hein. L'Angleterre qui reste sur une victoire 5-0 face à l'Andorre. Pologne a également gagné 5-0 face à Saint-Marin. Deux matchs également demain pour l'Angleterre face à la Hongrie. Et enfin l'Allemagne, justement, dans ce groupe J, qui a 18 points. La Macédoine du Nord 12 points, donc c'est ce soir que tout se joue. L'Arménie 12 points également. L'Allemagne, pour l'instant, s'impose, mène 1-0, rien n'est joué, mais pour l'instant, si ça se confirme, eh bien, prendrait tout simplement 9 points d'avance sur la Macédoine du Nord, et l'Arménie, pour l'instant, est menée 1-0 face à la Roumanie, ce qui veut dire que, la Roumanie reprendrait, si les matchs s'arrêtent maintenant, reprendrait la deuxième place avec 13 points. Et l'Arménie et la Macédoine seraient à 12 points, donc Rennes, ce serait très serré. Et nous aurons donc une Allemagne avec plus 7, là aussi, avant les deux derniers matchs, ce qui voudrait dire que l'Allemagne serait qualifiée ce soir. Voilà, ce serait peut-être, on disait le Danemark tout à l'heure, premier qualifié, c'est peut-être l'Allemagne. Si tout reste comme ça, si l'Allemagne reste devant et que la Roumanie reste également devant, eh bien ça pourrait dire que l'Allemagne serait qualifiée dès ce soir. Même si l'Arménie égalise face à la Roumanie, on serait dans une situation, on serait dans la même situation, puisque l'Arménie serait à 13 points et la Roumanie à 11. Donc a priori ça pourrait être joué ce soir pour l'Allemagne. On serait même à plus 8, pardon, je disais plus 7, mais non, ce serait même à plus 8 pour donc ce serait terminé pour l'Allemagne qui serait déjà qualifiée, à moins que d'ici là la Macédoine du Nord décide de revenir dans cette rencontre. En tout cas, ça se, ça joue toujours. Il reste, il reste dans ces rencontres. Donc, une petite demi-heure un peu partout. Ça n'a pas bougé dans les scores pour l'instant. Et puis pas de but non plus entre cette internationale entre Bourg-en-Bresse et Sedan, toujours 0-0. Et l'Allemagne, donc, pour l'instant, nous en sommes toujours au même score, donc 1-0, alors qu'à une occasion, l'instant, non, c'était, il y avait un hors-jeu, 1-0 à la heure de jeu, voilà, comme dans les autres rencontres. Voilà, et puis en tennis, ça continue, ah, c'est fini chez les femmes, Angélique Kerber a remporté troisième manche 6-4. Donc c'est terminé face à Kazakina, donc elle est qualifiée pour les huitièmes de finale. Chez les hommes, ça a changé puisque Dan Evans s'est fait débreaker. C'est désormais Churchman qui mène 5-4 et qui va mettre la pression sur Evans, puisqu'il va servir pour rester dans le set. Et puis dans l'autre match, Harris Rudd, toujours 3 partout, pas de break dans la deuxième manche. Voilà pour le foot, les qualifications. Donc l'Allemagne peut être qualifiée ce soir, le premier qualifié pour le mondial 2022. Un petit mot rapide du côté du qualification zone Amérique du Sud, où pour l'instant le Brésil est toujours leader, qui est resté sur un sans faute, et qui pour l'instant a perdu un point, qui a concédé le nul face à la Colombie 0-0. Donc il a perdu son premier point, mais qui reste quand même sur 9 victoires en 10 matchs. Et un match qui avait été arrêté, qui n'avait pas été à son terme, on rappelle, entre le Brésil et l'Argentine. Mais les deux sont leaders largement, 28 points pour le Brésil, 22 pour l'Argentine, 16 pour l'Équateur et 16 aussi pour l'Uruguay. Voilà, je ne sais même pas si ce match entre l'Argentine et le Brésil sera rejoué, puisque les deux seront probablement qui se qualifient. Hein. Donc il n'y aurait pas d'intérêt à le rejouer. L'Argentine a battu l'Uruguay 3-0. C'était hier, c'était même aujourd'hui. Lionel Messi, notamment, qui a marqué l'un des débuts, et le Chili qui a battu le Paraguay 2-0. Donc pour l'instant, voilà, les qualifiés pour. Mais il reste beaucoup de matchs, hein, mais pour l'instant, les premiers qualifiés pour le Brésil, c'est déjà quasiment acté. Hein. Même là, l'Argentine, on ne voit pas comment ça pourrait être autrement. Et puis dans les autres continents, on en est encore assez loin et encore beaucoup de matchs à jouer. Voilà pour ce point donc sur les qualifications en Coupe du Monde. Revenons dans nos clubs, revenons en France avec d'abord le championnat national qui lui ne s'était pas arrêté pendant cette trêve. Eh bien, qu'est-ce qu'il passait d'abord une victoire enfin pour les Sorléans qui s'est imposé. Alors d'abord il y a eu une défaite face à Villefranche-Beaujolais 1-0, c'était lors de la 8e journée. Là enfin une victoire, c'était face assez logiquement face à Bastia Borgo 4-0, une victoire logique. C'était la deuxième cette saison pour l'USO 4-0. Et puis une nouvelle défaite à l'extérieur à Cholet 3-1 vendredi pour Orléans qui retombe, qui n'est pas relégable, mais qui retombe assez bas dans le classement. On va en reparler. Dans les leaders, Annecy qui a remporté son match face à Bastia 2-1. Bourg-en-Bresse qui joue en ce moment 0-0 toujours face à Sedan. Villefranche-Beaujolais 3e qui a fait match nul face à Saint-Brieuc 0-0. On retrouve ensuite Concarneau, 8e, Laval, Sedan, Cholet, Le Mans, Châteauroux, qui sont au milieu de tableau. Orléans est 15e avec 9 points. Font moins bien 7 et Crédit avec 7 points. Et Bastia Borgo, 4 points. Toujours pas de victoire pour Bastia Borgo qui vit un début de saison très compliqué. Orléans va tenter l'USO de se reprendre. Vendredi, réception d'Avranches pour tenter de relancer une victoire. Avranches qui est 11e, voilà, qui est au milieu de tableau, une victoire aussi, hein, seulement, donc c'est pas c'est assez compliqué aussi pour Avranches, donc ce serait l'idéal pour se relancer. Réception donc d'Avranches vendredi 19h, bien sûr, au stade de la Source. On referme le national et on va en Ligue 2. Alors, Ligue 2, c'était la trêve aussi, bien sûr. La Ligue 2 avec donc la reprise 12e journée, c'est samedi et lundi, comme d'habitude. Toulouse-Auxerre, notamment beau match choc de cette journée. Ce sera samedi à 15h. Toulouse, le leader avec 24 points. Auxerre, 3e avec 20 points. Voilà, donc Toulouse a l'occasion de s'échapper. Ou au contraire, Auxerre qui peut revenir à un point seulement. Toulouse-Auxerre, 15h, samedi. Et puis, le match important aussi, enfin, en tout cas, qui lui sera joué lundi soir, ce sera Nîmes-Ajaccio. Nîmes-Ajaccio entre ces deux-là, donc 11e contre Ajaccio qui est 5e. Voilà la rencontre de lundi prochain que l'on suivra donc en direct. Voilà donc la Ligue 2, c'est la reprise, et puis reprise aussi en Ligue 1, bien sûr, ça y est, c'est reparti avec la 10e journée. Ça démarre vendredi, bien sûr, avec Paris Saint-Germain face à Angers à 21h. On aura ensuite samedi Clermont-Lille à 17h. Le choc entre Lyon et Monaco à 21h samedi. Un choc puisque les deux clubs sont presque à égalité, hein, un point d'écart seulement. Monaco 14, Lyon 13. Match très important, justement. Donc pour les deux nations, pour les deux clubs, ce sera samedi à 21h. Dimanche à 13h, 3 Nice, et puis ensuite les multiplex de 15h, Bordeaux-Nantes, Metz-Rennes, Strasbourg-Saint-Etienne, Brest-Reims, à 17h, Montpellier-Lens, et à 20h, c'est Marseille, le Pays de Marseille face à Lorient, le 5e face à Lorient, qui est 7e, là aussi, 14 points pour les deux, c'est un choc aussi de cette journée, et en tête, toujours Paris Saint-Germain, 24 points, bien sûr. Largement en tête, Lens 18 points, Nice, Angers 16 points, et puis ensuite toutes les équipes à 14, Marseille, Monaco, Lorient, Lille, voilà, très serré, Nantes et Lyon 13, voilà, c'est assez serré quand même derrière. En bas, Brest et Saint-Etienne 4 points seulement, toujours pas de victoire pour ces deux équipes, alors qu'on est à la, on arrive à la 10e journée déjà. Voilà pour le programme de cette journée en Ligue 1. Nos directs avant, on va avant de parler de l'agenda, bien sûr, mais avant ça, on rappelle les directs avant de parler de cet agenda de la semaine. Débute toujours, oui, ça rebouge, les République Tchèque mène 2-0 désormais face à la Biélorussie. Les autres matchs où ça bouge, pas d'autres buts pour l'instant, ça n'a pas bougé. Et ça a bougé par contre au tennis. Diego Schwartzmann qui a égalisé un set partout puisque il a breaké son adversaire Dan Evans 6-4 donc dans la deuxième manche. C'est Evans pourtant qui avait breaké le premier dans cette manche, mais il a été breaké deux fois donc pour permettre à Schwartzmann d'aller chercher un troisième set qui vient de démarrer, pas de break pour l'instant dans ce set. Voilà, et donc ce week-end la Ligue 1, on rappelle, donc les matchs qu'on vient de donner. Le programme, donc, le sommaire de la semaine. Plein de choses encore. Hein. Côté foot, ce soir et demain, la fin de cette quatrième, cinquième même journée de qualification Coupe du Monde. Donc encore des matchs jusqu'à demain soir. Ensuite, c'est le retour de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Là, le national qui continue. On rappelle que l'USO recevra Avranches. Ce sera vendredi à 19h à la Source. Ils auront besoin de vous pour aller chercher une victoire, hein, qui sera presque primordiale maintenant. Voilà, donc pour le foot, ce sera toute la semaine. En tennis, là aussi toute la semaine, Indian Wells, chez les hommes et chez les femmes. Hein, voilà, ça va se poursuivre. Hein, match le soir, match la nuit. On aura ensuite le basket. Donc qui voilà, se poursuit aussi, quatrième journée pour l'Orléans, pour l'OLB, qui va donc se déplacer à Fos-sur-Mer vendredi à 20h pour le compte de la quatrième journée de Betclic Elite. En rugby cinquième journée, non, un peu plus, déjà plus que ça, on est à la septième journée même déjà de top 14. Voilà, nouvelle journée hein, pour le top 14. Et puis un petit mot quand même, donc voilà, on n'a pas parlé tout à l'heure, un petit mot de du RCO. Qui continue hein, sa saison, bien sûr. On va aussi en parler de la prochaine journée pour eux. Mais avant ça, un petit rappel de ce qui s'est passé sur ces derniers matchs. On n'a pas trop eu le temps de suivre tout ça, mais un rappel sur ce qui s'est passé. Et puis aussi le prochain match. Prochain match d'ailleurs qui sera dimanche. Ce sera le déplacement à en Creusot. Ce sera donc c'était le match d'hier. Le match d'aujourd'hui. Le match de dimanche, ce sera face à Metz, pardon, à domicile. Réception donc de Metz dimanche à 15h, donc pour la cinquième journée de Fédéral 2. Mais l'historique donc pour le RCO qui est très bien dans ce championnat, 3 victoires en 4 matchs. Il y a eu une petite défaite, c'était lors de la deuxième journée, mais ensuite 3 victoires, 2 autres victoires face à Stade Pontelloy 42-0. Carton, c'était il y a 15 jours maintenant, carton plein du RCO, hein, 42-0, assez rare, hein, pas marqué le moindre point, mais ça s'est bien passé. Et puis la dernière victoire face à Creusot, 37-31 hier, ce qui fait que le RCO eh bien, est quatrième avec 13 points. On retrouve ensuite devant Orangis, Orsay et le Paris Université Club avec 4-4. Donc ça se passe bien pour Orléans qui recevra Metz dimanche à 15h pour la cinquième journée. Metz qui est sixième, voilà, donc du classement. Voilà pour la petite parenthèse rugby et RCO. Et donc dimanche là aussi la cinquième journée de top 14. Ensuite, toujours au programme. Eh bien, le handball, on en a parlé tout à l'heure avec Sylvain, plein de choses encore. J1 recevra samedi soir à 20h30 à domicile. Bah, forcément, s'il reçoit, ce sera à domicile. J'ai oublié l'adversaire, je vais vous retrouver ça tout de suite. Alors que le J1 fait un début de saison tonitruant, pour l'instant 3-4, qui est en tête, qui est co-leader de ce National 1 et qui va recevoir l'un des mal classés d'ailleurs, hein, on a parlé tout à l'heure sur les deux prochains matchs d'ailleurs, ce sera Mainvilliers. Voilà, Mainvilliers pour la cinquième journée samedi 20h30 avec Salle Curie à domicile bien sûr. Voilà pour Gien. Pour Saran, ça sera aussi un match à domicile. Ce sera donc pour la sixième journée de la Star League, réception de Istres jeudi soir à 20h. Voilà, donc pour Saran. Et puis pour Fleury, voilà, qui a mal démarré, on espère que ça va s'inverser, qui recevra aussi. Et par contre, ce sera seulement la semaine prochaine, ce sera face à Dijon, mais que dans une semaine. Voilà, donc du hand aussi toute la semaine. Et bien sûr, les Ligues des Champions, garçons et filles, qui reprennent aussi. Donc cette semaine pour le hand. Et puis enfin en Formule 1, pas de Grand Prix ce week-end puisque nous aurons un déplacement aux États-Unis dans 15 jours. En MotoGP, on aura un Grand Prix qui aura lieu dimanche, mais dans 15 jours. Là aussi, ce week-end c'est encore un week-end de trêve. Et seulement où on va courir, ce sera en championnat du monde des rallyes, WRC, avec un nouveau rallye pour l'avant-dernier rallye déjà de la saison qui sera couru en Espagne, à Catalogne, avec peut-être un titre pour Sébastien Ogier dimanche, si tout se passe bien. Et puis sinon, il faudra attendre Monza, le dernier, la semaine d'après. Si jamais ça ne suffit pas. Voilà pour le programme de la semaine. Donc voilà, plein de choses encore à suivre cette semaine. Un dernier détour par nos directs et on se quitte. La République tchèque, ça n'a pas bougé, 2-0 face à la Biélorussie. Pays de Galles, Estonie 1-0. Norvège, Monténégro 1-0. Gibraltar 4-0. Lettonie, ça y est, ça a bougé. Dernier match où il n'y avait pas eu de but, c'est parti. La Lettonie mène 1-0 face à la Turquie. On a Russie et Slovénie 2-1. La Croatie a égalisé face à la Slovaquie 2-2. Enfin, dans le dernier groupe, l'Islande mène toujours 2-0 face au Liechtenstein. La Roumanie mène toujours 1-0 face à l'Arménie. Et l'Allemagne mène désormais 2-0 face à la Macédoine du Nord. Timo Werner qui a marqué ce deuxième but. Il reste un quart d'heure partout. L'Allemagne qui, pour l'instant, est qualifiée déjà pour la Coupe du Monde 2022, puisque pour l'instant ça n'a pas l'air de bouger. Il possède 8 points d'avance pour l'instant sur la Roumanie qui a 13 points en direct là, et il n'y aurait plus que 6 points à prendre. Donc voilà, ça voudrait dire que l'Allemagne est qualifiée. Il faudrait que, pour cela, la Macédoine marque deux fois, ce qui pour l'instant semble pas improbable mais très compliqué. Et puis sinon il faudrait 3-0 même désormais, donc voilà, ça semble presque fini. Thibaut Werner encore 3 minutes plus tard qui a doublé la mise, doublé pour lui, 3-0, donc c'est presque fait. Et voilà, sinon l'Arménie en marquant deux fois, l'Arménie marquant deux fois prendrait 3 points et se placera à 15 points, donc 6 points de l'Allemagne, et serait encore l'une des équipes à pouvoir chercher la première place. Mais pour l'instant l'Arménie est menée 1-0, donc ça semble compliqué de marquer deux fois en 10 minutes face à la Roumanie, mais on sait-on jamais. En tout cas l'Allemagne mène 3-0 et ça, c'est bien parti pour eux pour s'imposer et donc, on disait, se qualifier si tout se passe bien. Il serait le premier qualifié donc de ce mondial, officiellement, en tout cas mathématiquement ce serait le seul. Et puis dans le dernier match, pas de but toujours entre Bourg-en-Bresse et Sedan, c'est dans National, 10e journée, 20 minutes à jouer dans cette rencontre. Voilà pour donc la fin de ces directs dans un quart d'heure, un gros quart d'heure. On va se quitter nous avec ça. On va marquer une dernière pause et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec plein de choses encore à dire. On se quitte avec ce dernier titre, c'est Stardust, c'est Music Sans, Better With You, tout de suite pour vous quitter ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Sylvain qui nous écoute encore pour le point 1. On se retrouve très vite, on se dit à lundi prochain pour un nouveau numéro de la Radar du Sport. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée à vous, bonne semaine et vive le sport bien sûr, et à lundi, ciao, bye.